Salut les marques et les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Ringside, je suis accompagné de l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank? Salut, on a eu encore une petite galère de diffusion. On a dû passer de Skype à Google Hangout et plein d'autres choses. Donc désolé pour le petit retard de 10 minutes. Exactement, désolé, les aléas du direct. Alors, Catch Up, d'habitude on vous parle de Monday Nitro, de SmackDown, mais aujourd'hui on vous fait une petite incartade. On va parler du plus gros show indépendant de catch de tous les temps. All In, le show monté par les Young Bucks et par Cody Rhodes. On va vous faire le pré-show de tout ça, on va vous parler de toute la carte. Il y a du beau monde, ça se passe à Chicago. C'est au Sears Center, je crois, et ça se passe dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais, j'ai noté toutes les infos au-dessus, si vous voulez regarder, que ce soit en direct ou d'ici samedi, dans la petite description au-dessus de nous, il y a toutes les façons de regarder le show. Voilà, voilà c'est ça. Concrètement, c'est disponible à la télé pour la première heure. Pas pour nous. Et après, c'est en pay-per-view, la télé américaine. Ouais. D'ailleurs, on va parler du pré-show, mais le pré-show, je ne sais pas exactement comment vous allez pouvoir le voir parce qu'il est qu'à la télé américaine apparemment. Après, il y a un replay sur New Japan World qui a été annoncé, donc peut-être que ça sera dans le replay du New Japan World. Voilà, comme quoi il faut toujours avoir son petit abonnement du Japan World, ça sert pour tout. Voilà, alors allez, on va attaquer la carte. Il faut savoir que tout le booking, toute la construction du show, elle a été faite essentiellement dans le show Being the Elite que vous trouvez gratuitement sur YouTube. Toutes les petites histoires qui entourent les matchs qui sont prévus, ça se retrouve sur ce petit show qui est de toute façon excellent et qu'il ne faut pas louper chaque semaine. Allez. On démarre avec une battle royale. On commence le show avec une bataille royale. Il y a 15 participants, théoriquement. Mm-hmm. Et il y en a une petite dizaine qui sont annoncés déjà. Je vais vous donner les noms. On a notamment Brian Cage, que vous connaissez si vous suivez Impact Wrestling ou la Lucha Underground. C'est un gros gaillard qui a aussi des talents de high flyer, hein. Vraiment très bodybuildé, très costaud. On a Jordynne Grace, on a Moose, qui est aussi à Impact Wrestling, hein, qui était à la Ring of Honor il y a quelques années, qui avait failli passer à la WWE, mais qui a un petit passif de violence conjugale, donc malheureusement, à Impact Wrestling. Voilà, un grand gaillard, hein, assez costaud et assez agile dans le ring aussi. Rocky Romero sera de la partie, hein, le cruiserweight qu'on retrouve à la New Japan Pro Wrestling, hein, le membre de Roppongi Freaky. C'est un peu le coach, hein, le manager de Roppongi Freaky, mais c'est aussi un catcheur de talent qui a une grosse carrière au Japon, un vétéran, hein, là-bas. Colt Cabana, l'ancien meilleur ami de CM Punk, qui est actuellement avec lui. Vous l'avez peut-être connu, alors je me souviens plus de son nom à WWE, mais il avait fait un passage rapide, mais il est plus connu pour son travail à la Ring of Honor. Evan Page, Olego Evan Page, qui a beaucoup bossé à la Evolve. Billy Gunn, le vétéran de la WWE, hein, qui a été viré du Performance Center il n'y a pas très longtemps, il y a une petite paire d'années quand même déjà. Voilà, Billy Gunn, hein, qui faisait partie Degeneration X. Degeneration X, ouais. À la belle époque. Et il en reste là ? Il en reste, il y a Jimmy Jacobs qui est là aussi. Ouais. Vous vous souvenez, qui a été aussi viré de la WWE. Tous les anciens virés de la WWE sont là. Marco Stunt, Trent Barretta, Chucky T, vous les connaissez si vous regardez la New Japan ou la Ring of Honor. Brandon Cutler et, croyez-le ou non, Virgil. Oui. L'ancien majordome de Ted DiBiase. Il y a du beau monde dans cette petite battle royale. Sachant que le gagnant ira affronter le champion de la Ring of Honor, Jay Lethal, un peu plus tard dans le show. Ouais. Jordynne Grace, c'est une fille, ça. Hein. C'est elle, la fille qui participe au... à la Battle Royale, non? C'est possible, j'ai pas la liste sous les yeux là. D'ailleurs, j'ai. Attendez. J'ai perdu. Ouais, non, je n'ai pas réouvert la liste, le line-up. Mais de toute façon, la grosse cote de ce match, de ce que j'ai entendu en tout cas, c'est Colt Cabana. Colt Cabana, ouais, bah ouais, Colt Cabana, ça peut être. Parce que non seulement il y a le côté un peu. C'est un peu vétéran des indies, c'est un peu un ambassadeur, ambassadeur de la culture indé, Cabana, depuis tellement longtemps. Et puis, il y a le côté où ils peuvent très bien capitaliser sur la situation dans laquelle on est, où Cabana est une victime de l'affreux CM Punk, qui est en train de lui demander des centaines de milliers de dollars pour se défendre, alors qu'au début, il lui a dit « T'inquiète, je paierai tout dans l'affaire contre le docteur de la WWE. » Voilà. Donc voilà, ce serait je pense une grosse pop du public si Cabana gagne. Après je verrais aussi peut-être Moose pour un match un peu inédit justement, même si Moose est d'impact, mais ce serait un match inédit, et du coup pour le coup Jelly Fall aurait aucune aucun risque de perdre sa ceinture, je pense. Ouais, y a peu de risques qu'il perde sa ceinture dans, enfin, dans quoi qu'il en soit, ouais. Enfin, on sait jamais, hein, parce que ça leur coûte rien, mais ça paraît délicat. Y a Brian Cage aussi qui peut être un bon favori. Effectivement, Colt Cabana, ça pourrait fonctionner. Alors, c'est une grosse personnalité de Chicago, hein, au niveau du catch, Colt Cabana aussi. Oui, et puis on a dans Being the Elite, je sais pas si t'as vu, on a Jay Lethal qui a ce problème de double personnalité où il se transforme en Black Machismo Jay Lethal, une parodie de Macho Man Randy Savage. Donc Colt Cabana, il est connu aussi pour faire du comedy wrestling, donc je pense que ça peut jouer aussi pour avoir un match finalement entre Colt Cabana et Black Machismo. À voir. Il y a aussi le cas. Je connaissais de vue, enfin, je me souvenais d'un truc comme ça, mais je savais pas que ça s'appelait Black Machismo. Bah, il avait catché longtemps avec ce gimmick à la TNA. Et donc, il venait grimer en Machoman, et puis il faisait ses matchs comme ça. Et donc, ils ont réutilisé ce truc ces dernières semaines dans Being the Elite. Et il n'est pas guéri, hein, parce que vous avez le dernier épisode de Being the Elite qui joue un peu le rôle de Go Home Show pour le pay-per-view. Et il a encore ses soucis. Donc moi, je vois bien, hein, effectivement, un Colt Cabana, Black Machismo. Comme je disais, il y a le cas Neville aussi. Neville est libéré de la WWE. Pac. Pac, sur le circuit indépendant, on l'appelle. Je me demande d'ailleurs où ils ont été chercher ce nom. Ça pourrait être un entrant surprise de la Battle Royale, et pourquoi pas même aller le décrocher le titre Jay Lethal dans ces cas-là, parce que c'est quand même une star d'un autre calibre, Neville, désormais. Mm-hmm. Ça pourrait être un joli coup de pub pour la Ring of Honor. Ouais. Maintenant, à voir. Ouais, ouais. À voir. S'ils auront les coronets de faire ce genre de choses. Pour l'instant, de base, en tout cas, je me mise sur Cabana. C'est mon problème. Allez, misons sur Cabana. Alors, on va avancer peut-être. Je ne crois pas que j'aurai grand-chose à dire de plus sur cette Battle Royale, hein, de toute façon. Non, non, pour l'instant. De toute façon, tout ça, c'est du pré-show. Comme on disait, vous attendez pas à voir ce match. Si vous regardez, je crois sur Fight TV, en fait, ils diffusent qu'à partir du début de la carte, qui du coup sera. Il nous reste un match de pré-show et ensuite c'est le début de la carte. Enfin, la vraie carte, quoi. Donc voilà, ouais. Deuxième match. The Briscoes affronte Frankie Kazarian et une sorte Scorpio Sky. C'est SoCal Uncensored. Donc, les Briscoes, hein, les vétérans de la Ring of Honor, hein, plusieurs fois champions dans la Fédé. C'est deux excellents catcheurs. Hein. C'est Jay Briscoe et Mark Briscoe. Jay Briscoe, c'est aussi un ancien champion solo, hein, poids lourd de la Ring of Honor. Ils sont extrêmement explosifs dans le ring. C'est étonnant qu'ils n'ont pas été signés depuis le temps par la WWE. Mais bon, ils font un peu peur, hein, les deux, quand on les regarde. Et en face, ben, c'est Frankie Kazarian. Alors, lui aussi, c'est un vétéran, hein, du circuit indépendant. Il a beaucoup travaillé à la TNA pendant les belles années de la X-Division. Ça fait un moment qu'il a la Ring of Honor, généralement en équipe avec Christopher Daniels. Et là, c'est un trio, hein, Soka, Lonson, Surd. Il y a Scorpio Sky, donc c'est un catcheur assez récent dans le circuit, et Christopher Daniels. Qui aura un match un peu plus tard contre le héros de Arrow. Le héros de Arrow. Stéphane Hamel. Stéphane Hamel, c'est le match paillette de la soirée. Donc. Dans les Being the Elite, on est aussi sur l'humour à fond, hein, au niveau de Kazarian et Scorpio Sky, puisqu'ils font une petite scénette dans chaque épisode où ils expliquent qu'ils détestent la ville où ils sont. Ouais. Kazarian qui part dans des délires à chaque fois sur les villes où il est, c'est assez fandard. Là, on risque d'avoir quand même un gros niveau de catch, hein, parce que comme je disais, les Briscoes, ils sont assez spectaculaires, Kazarian et Scorpio Sky aussi. Scorpio Sky, c'est pas facile à dire son nom, qui a le bon plan, lui, de bosser avec d'un côté Kazarian et de l'autre Christopher Daniels. Il risque de monter tout doucement, lui, sur le circuit indépendant, et s'il prend les bonnes leçons de ces deux-là, on risque d'en entendre parler un peu plus souvent, même si son nom il est un peu pourri et qu'il a pas beaucoup de charisme. mais ma foi, alors je sais plus lesquels des deux tient son champion Ring of Honor. Je saurais pas te dire sur le moment la partie comment les vétérans de Ring of Honor, c'est pas ma spécialité, mais dans ce match par contre, je pense que ça sera justement Kazarian et Scorpio Sky qui vont gagner, parce que j'imagine que, comme tu dis, c'est une star montante. C'est la jeunesse, Scorpio Sky, et puis les Briscoes, ils ont déjà un gros palmarès, etc. Donc je pense que ça sera de ce côté-là, et puis ça contrebalancera un petit peu justement la. Alors bon, je spoil un peu mon prono pour Hamel, Christopher Daniels, mais ça me semble évident que Hamel va gagner contre Christopher Daniels. C'est vrai qu'il y a quand même de fortes chances qu'on ait une défaite de Daniel, c'est que du coup il faut équilibrer. Tag Team Champions, c'est les Briscoes qui sont champions, je crois. Alors, tout ça. Enfin, non, bref. Bon, en tout cas, ça risque d'être un très bon match. Effectivement, je vais parier aussi sur Kazarian et Scorpio Sky. Qui sont quand même bien intégrés dans Being the Elite toutes les semaines. On va rentrer dans le gros de la carte. Hein. Ouais. On va passer le kick-off. Alors, le premier match, c'est Adam Page, Hangman Page, qui affronte Joey Janela. Mm-hmm. Alors, Adam Page, donc fait partie de Being the Elite. Hein, c'est un catcheur là qui a participé notamment au G1 Climax là récemment, qui a fait une très belle performance. Il bosse généralement à la Ring of Honor. Ouais. Je confirme en fait. Hein, en ce moment, c'est les Briscoes, hein, les champions. Et les Briscoes, les champions. Ok, on est bon. Donc. Adam Page, c'est, tout le monde considère que c'est un peu le futur du catch, si ce n'est indépendant, du moins, il a une grosse carrière qui est prévue pour lui. Mmh. Il déçoit rarement dans le ring. Il a une gueule, il a le physique, il a le talent, il a la technique. Puis là, il a commencé à vraiment prouver sa valeur dans son premier G1. Avec des sacrés matchs où Il s'est vraiment donné à fond. Alors, j'ai pas regardé. Toi, t'as vu le G1 en entier. Moi, j'ai pas. J'ai regardé, je crois, aux alentours des 6 ou 7 premières journées. Donc, j'ai vu, je crois, 3 matchs de Hangman Page. 2 ou 3. Et oui, non, c'était excellent. Et puis, voilà, il vole enfin de ses propres ailes. Donc voilà, Janela c'est un peu l'hype, indé, c'est un peu le party boy indé en ce moment, le mec qui est cool, un peu sans comment, un peu imprévisible, enfin bref. Ouais, à Cascou, hein, il est plus connu pour ses gros spots que pour son talent dans le ring. Je crois qu'il est Voilà. champion du WWE Network, l'autre de catch. J'ai pas vu beaucoup de matchs de Joey Janela, j'ai vu quelques spots de lui sur YouTube. Il se peut qu'on dérive peut-être dans le match hardcore puisque c'est aussi une des spécialités de Hangman Page. Donc ça risque d'être quand même assez fun. Il faut savoir que dans Being the Elite, Adam Page a tué Joey Ryan. Ce fameux dick wrestler Joey Ryan. Donc il y a peut-être une possibilité que ça se... que l'histoire se développe aussi pendant le match. Ouais. Ça sera lié aussi au match de Hamel, parce que si je me gourre pas, c'est Christopher Daniels qui a accusé Stephen Hamel d'avoir été celui qui a tué Joey Ryan. C'est ça, exactement. Il est faussement accusé, Stéphane Si vous Hamel, avez pour. raté l'épisode de l'enterrement de Joey Ryan, enfin la cérémonie de Joey Ryan, c'est vraiment excellent. Ouais, y a beaucoup de choses excellentes dans Being the Elite. C'est une autre façon de faire du catch toutes les semaines, hein, d'avoir un weekly, mais il y a vraiment des trucs très drôles. Donc voilà, en plus, Adam Page, il est aussi assez talentueux pour faire aussi du comedy wrestling et se faire humilier. Il a quand même bu la piste de Joey Ryan à la fin d'un match il n'y a pas si longtemps. Il y a moyen que ça aille très loin dans le délire quand même, déjà pour l'ouverture du show. Avec en même temps, je pense, une qualité technique qui sera au rendez-vous. Voilà, on espère que ça va partir, assez loin sur ce truc-là. Et peut-être une intervention de la copine de Joey Janela, dont je me souviens pas le nom, parce qu'elle est sur l'affiche. Je vois une victoire de Hangman Page. Hangman Page, Ouais. bah moi je donnerais plutôt la victoire à Joey Janela, je pense. D'accord, bon bah pour une fois, on Voilà. n'est pas d'accord. Mais je sais pas, Va falloir payer je... pour ses crimes, Adam Page. C'est pas possible autrement. Ouais, c'est pas faux. Mais après, il paye pour ses crimes contre un heel, quoi. Enfin, Janela, c'est quand même dans le donc du coup dans le dernier épisode, ils font mine qu'il lui en... il lui plante un stylo dans la main. C'est ça, ils sont à Oh, une rencontre avec le public, là, une séance de signature à l'arrière d'un magasin, et Janela vient se faire passer pour un fan et il plante le stylo dans la main de Eggman Page. Donc voilà, mais ça risque d'être intéressant. Je pense que ça va être le premier match, ouais, hein, comme tu disais, assez violent de la soirée. C'est ça. On espère, hein. Normalement, voilà, on n'est pas dans les cadrans de la WWE, donc il y a de la place pour faire du truc un peu hardcore et qui est de la folie. Donc, ben, on espère que ce sera le cas, hein, parce que c'est quand même Est-ce qu'ils vont faire revenir Joey Ryan pendant le match? C'est ça le Ben, truc. j'espère, moi, j'attends de Alors voir Joey le à ce moment-là, à ce Ryan. moment-là, défaite de Hangman Page. Mais Ah oui, ouais. ah oui. On va espérer Mais qu'on ait tout ça dans le match, hein, ce là, je serait. réfléchis un peu façon WWE. Je sais pas Ouais. s'ils vont oser ce genre de tactique, intervention de la copine de Janela, arrivée de Joey Ryan, ça fait un peu voilà, tout ça c'est overbooking un peu, mais Ouais, bah c'est la grande question de savoir est-ce qu'ils vont faire un show qui sera plutôt axé à wrestling, je pense qu'ils vont technique. alterner en fait. Ou si on va être dans la folie, connaissant les gens de Being the Elite, je pense qu'il y aura des trucs un peu novateurs. Moi, j'espère qu'on va pas juste s'arrêter à un simple show de catch avec simplement des affrontements de ci, de là. Avec la folie qui règne un peu de leur côté, je pense qu'on peut espérer avoir quelque chose d'assez original. La suite des opérations. Alors ça, moi, je trouve avec ton match préféré. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu le point noir de la carte. C'est le match féminin. Donc, c'est un Fatal 4-Way. Ouais. Tessa Blanchard contre Madison Rain, contre Chelsea Green, contre Britt Baker. Alors, sur ce quatuor-là, moi, je connais que Tessa Blanchard et Madison Rain. Ouais, quasiment pareil. J'ai vu quelques bouts de match de... comment elle s'appelle ? Chelsea Green ? Ça ? Ouais, d'accord. Qui est très... qui est très gimmick. Je crois que c'est elle qui a un gimmick de fille un peu timbrée. Enfin, c'est original, tu vois. fille un peu tarée. Elle a toujours du maquillage et des costumes un peu étranges, genre meuf complètement perdue. Ouais, c'est... Le truc, c'est que je trouve que Tessa Blanchard, elle est capable de sortir un bon match, mais je la trouve vachement... Enfin, moi, ce que j'ai vu à Impact ces derniers temps, je la trouve vachement feignasse, j'avoue. Madison Rain... Madison Rain, c'est quand même... C'est un peu la... On pourrait l'assimiler à une diva WWE, quoi, au niveau in-ring. C'est quand même... ça va pas super loin. En plus, son personnage, c'est genre, je suis mère de famille, blablabla. Enfin, c'est vraiment... C'est très vieillot. Ouais, Madison Rain, ça n'a jamais été exceptionnel. C'est un vétéran du circuit. Elle a beaucoup bossé à TNA. Donc, j'espère être étonné par Britt Baker. C'est le seul... C'est ma seule inconnue dans ce match, mais c'est vrai que c'est pas... ils auraient pu aller chercher... je sais pas pourquoi ils ont pas tenté Tennille, Dashwood, Emma. Pourquoi ils ont pas tenté d'avoir Emma, au moins ? Parce que c'est une connasse, personne veut bosser avec elle. Bah, les petites fédées, elles lâchent le chèque hein, pour l'avoir. Mais il paraît qu'elle est pas... Enfin, surtout qu'elle demandait, on en a parlé dans un Talking Catch, il y a 2 mois, mais son tarif pour un match comme ça, pour un événement spécial... c'est assez cher apparemment. Donc ouais. Peut-être aussi qu'ils n'avaient pas, envie de craquer le budget pour ça, sachant qu'ils ont aussi un match qui s'appelle le Over the Budget Match dans ce Over the Budget Match il y a Mysterio quoi, qui doit pas coûter 2 sous, même si dans Being the Elite il fait semblant qu'il va catcher gratos. Il va pas catcher gratos Mysterio, pas déconner. Non, personne catch gratos. Ouais, alors il n'y a eu aucune construction, hein, par contre, sur ce match-là, dans Being the Elite. Il y a eu quelques vidéos de présentation. J'ai vu une vidéo sur Madison Rain, j'ai vu une vidéo sur... À mon avis, elles en ont eu une chacune, mais c'est des vidéos genre je suis excité d'être à All In. Il y en a même une, je ne sais plus si c'est... Chelsea Green qui parle de la Women's Evolution. J'ai fait, mais... Ah, ça a tellement... La WWE a tellement imprimé le truc dans la tête des gens que même les indés commencent à parler de Women's Evolution. Ouais. Mais ouais, j'en attends franchement pas grand-chose, mais peut-être une surprise des deux que je connais le moins, quoi. Britt Baker et Chelsea Green. Jonathan dans le chat qui nous dit Ray va faire un run à la WWE après All In. Ça fait des mois en même temps qu'on le dit. Hein. Ray, il a pas l'air très pressé. Alors je sais pas. Je ne sais pas si la WWE a des plans précis pour Rey Mysterio et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pas signé non seulement sa blessure, mais en plus je pense que la WWE veut surtout le rechoper dans leur giron et à la limite le payer pendant un an et puis lui dire oh t'inquiète on aura des matchs pour toi mais pas tout de suite. Je pense que c'est plus ça. Mais bon. Alors, je pense que Rey Mysterio ne va pas venir sans avoir bien négocié son contrat. Hein. Il va se casser le dos. Il veut pas revenir, comment dire, au calendrier habituel. Et effectivement, c'est le catcheur le mieux payé du circuit indépendant. Donc, il va falloir que d'un côté, il lâche le chèque et puis qu'il se plie un peu à ses desiderata. Mais bon, je pense que c'est bien engagé. J'attends de voir des matchs entre Cien Almas et Rey Mysterio. À la WWE. Alors, bon. Moi, quand même, faut quand même que je souligne le fait que sur ce match féminin-là, ben voilà, c'est le premier show indépendant qui remplit une salle de 10 000 personnes, géré par les boys. Et quand je dis géré par les boys, c'est-à-dire géré par les catcheurs, c'est les catcheurs qui vont monter le show, hein, c'est Cody et compagnie. On n'est pas sur un show qui est monté par la Ring of Honor ou par la New Japan. Parce que faut savoir quand même, la Ring of Honor, que ce soit Impact, que ce soit la New Japan, c'est même pas des fédérations indépendantes. Ouais. La Ring of Honor, ça appartient à Sinclair Broadcasting. Impact, c'est Anthem. La New Japan, ils sont gérés par Hughes, je crois, ou boîte de jeux vidéo. Il y a toujours, c'est toujours, il y a des têtes pensantes derrière. Là, c'est vraiment Cody et les Young Bucks, donc des catcheurs qui montent un show pour les catcheurs, qui est le premier show qui remplit une salle de 10 000 personnes hors WWE depuis des années. Et pour les filles, ben voilà, on a une construction très très rapide et juste un match Fatal Four Way. Ouais. Je trouve ça quand même assez décevant, hein. Je vais pas. Après, l'autre souci de All-In, c'est que ils ont quand même fait les choses très rapidement quand tu regardes par rapport à l'annonce du pay-per-view et le temps entre la vente des tickets et l'événement. En disant que c'est la première fois qu'ils font ça, qu'ils doivent tout organiser, ils doivent s'occuper des assurances, ils doivent s'occuper de la diffusion télé, ils doivent s'occuper de tellement de choses et ils sont. Alors bon, c'est pas, ils sont pas que trois, hein, j'imagine, ils sont au moins une dizaine. Ils doivent avoir quand même quelques mecs de la Ring of Honor qui s'occupent de certaines choses, etc. Mais je pense qu'ils sont vachement limités au niveau temps pour développer des histoires. Que quand ils sont dans Being the Elite, ils filment ça entre eux avec leurs potes, etc. Et puis qu'apparemment, bah, dans la bande de potes, il y a pas trop de meufs. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi où ils pouvaient pas, peut-être qu'ils pouvaient pas développer grand-chose parce que. Parce que aussi, même si on chie, si, enfin, pas tout le temps, mais sur la façon dont la WWE écrit les filles, dans le catch indé, c'est pas beaucoup beaucoup mieux, quoi. Voilà. Elles ont pas une, elles ont pas une, c'est pas comme si les filles avaient une historique, l'une contre l'autre, etc. Et puis, Ouais, allez. ah, si tu vas à la Stardome, je pense, effectivement. Oui, à Stardom, il y a moyen. L'embêtant c'est que la Stardom, bah, faire venir ces filles-là, ça coûte cher. Il faut que ça fasse partie d'une tournée et tout ça. Moi, j'aurais adoré qu'ils invitent Mayu Iwatani et je sais pas moi. Ou alors ouais, un tag team match Ode-Odai contre. Je sais pas, une tag team face. Alors faut que je rattrape les tag teams qui sont maintenant à Stardom. Mais ouais, Mayu Iwatani qui est genre vraiment, si vous avez pas vu de match de cette femme, elle est incroyable. Pour moi, elle est même au même niveau que Yoshirai et Kairi Sane. C'est une tueuse. Ouais, non, il y avait. C'est sûr qu'il y aurait eu peut-être moyen de faire ça. Ça demande non seulement des moyens, ça demande des contacts aussi, que je pense ils ont pas. Enfin, ils ont pas forcément. Après, vous savez. Ring of Honor a les contacts avec Stardom parce que justement ils invitent des catcheuses japonaises pour leur tournoi féminin. Ils avaient invité, je crois, deux catcheuses japonaises la dernière fois qu'ils ont fait un tournoi et puis ils les invitent assez régulièrement. Mais ouais, un truc qu'on n'a pas dit par contre, pas sur ce match, mais le Joey Janela contre Hangman Page, c'est un Chicago Street Fight. Voilà. Ah, d'accord, ouais, c'est officiel que c'est un Oui. truc. Qualification. Ok. Ouais, donc là, ça risque d'être très fun. Alors, c'est qu'ils ouvrent le show par ça, c'est quand même un peu bizarre parce qu'on va être tout de suite Alors dans un après, match. ouais, on est dans un ordre qu'on a trouvé sur une carte sur Internet. Si vous allez selon le site sur Ouais, ce lequel sera. vous allez, il y a un ordre différent. Je pense pas qu'il y a d'ordre officiel pour l'instant. Les seuls trucs dont on est quasiment sûr, c'est que je pense que Omega fera la tête d'affiche. Soit Omega ou soit le match Ah non, avec non, Mysterio. ils ont annoncé que c'est le Triple Threat qui sera Ah d'accord. le match, le main event. Le L'autre, le match. triple Le, threat. euh, pas le Triple Threat, le 3 contre 3. Ah Pardon. oui, d'accord. Le over the budget, d'accord. Avec Mysterio. Oui, ce qui est logique parce que Mysterio quand même. Bah écoute, on va mentionner peut-être pas rester 3 heures Ouais. sur le match féminin. Bah après, c'est le match à paillettes qu'on a dans notre liste. Stephen Amell donc, qui affronte Christopher Daniels. Donc Stephen Amell, hein, la star de la série Arrow, adaptation de Green Arrow, hein, de DC Comics. On doit être à la quatrième ou cinquième saison, je pense. Il affronte Christopher Daniels. Alors Stephen Amell, c'est pas la première fois qu'il se frotte au catch. Hein. Il était à SummerSlam une année contre Cody Rhodes qui était à l'époque Stardust, il y avait aussi Neville qui était impliqué, mais je sais plus qui était du côté de l'ami Stardust, mais bon, c'est pas grave. Il a catché aussi une fois la Ring of Honor dans un match où il y avait plein de personnes impliquées, face justement à Christopher Daniels aussi et compagnie. Et il revient là donc pour All-In. Pour affronter le vétéran Christopher Daniels qui a fait une énorme promo à Being the Elite. Je sais pas si tu as vu cet épisode là, Ouais. You Failed This, je crois que c'était il y a 2 semaines, où il est dans le bus et il sort une promo vraiment assez exceptionnelle. Hein. Il était très très inspiré. Il a démonté Stephen Amell, hein, cet acteur là qui vient essayer de jouer les catcheurs. C'était plutôt bien joué. Voilà, Stephen Amell, apparemment, il s'est bien entraîné. Maintenant, moi, je trouve que c'est peut-être un peu roublard, peut-être un peu prétentieux de vouloir faire un match un contre un. D'habitude, quand on met une star comme ça qui est pas vraiment catcheur, même pas du tout vraiment catcheur, il vaut mieux quand même mettre un match tag team pour pouvoir masquer un peu les Après, limitations. ouais, il y a un côté, CM Punk à l'UFC, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que peut-être aussi, il pense que ça va attirer encore plus les regards si Amel, cette fois-ci, il fait pas de la participation, il n'est pas dans une tag team, il n'est pas là pour promouvoir un truc en particulier, il est là pour faire un vrai match de catch contre un mec qui est un vétéran du circuit. Jonathan, par contre, qui nous demande s'il y aura des surprises pendant le show. Alors, bah, au début de ce pré-show, on a parlé du fait qu'il y aurait peut-être, enfin, moi, du moins moi, il y aurait peut-être un Joey Ryan qui apparaît pendant le match de Hangman Page contre Janela. Voilà, ça serait dans les surprises. Et puis, on a parlé de Neville aussi. Du coup, ça serait pour la Battle Royale. L'embêtant, c'est que le truc qui contredirait ça, par contre, j'y pense, c'est que la Battle Royale est dans le pré-show. Et je pense pas que s'ils ont Neville, ils vont le caser dans un pré-show. Ouais, et s'il gagne la Battle Royale et qu'il se retrouve dans le pay-per-view après, ça fait sens quoi. Ah oui. C'est-à-dire que s'il gagne la Battle Royale, c'est pour la gagner quoi, c'est pas juste pour faire une apparition. Il y a aussi Will Ospreay apparemment qui fait rien le soir-là, et ça me paraît bizarre. Ospreay soit pas à l'affiche. Ah oui, on n'a pas parlé du fait que Flip Gordon n'a Voilà. pas de match. C'est là où j'allais en venir aussi. Effectivement, Flip Gordon, donc le high flyer hein, qui fait sensation là depuis. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il est sur le circuit. Hein. C'est un rookie hein, quand même, hein, Flip Gordon, de la Ring of Honor et qui bosse aussi depuis peu à la New Japan. Ça fait plusieurs semaines que dans Being the Elite, il est là depuis le début de la nouvelle saison à essayer de se faire booker pour All-In. Il n'y arrive pas. Cody Rhodes hein, a mis le veto. Et donc, pour l'instant, il est All Out. Ouais. Ça, mais il aura forcément un match parce qu'ils en ont tellement fait sur le fait voilà. qu'il voulait être à All In. Il a fait un t-shirt marqué Book Flip. Donc oui, clairement, il va être là. Est-ce qu'ils vont le caser finalement dans la Battle Royale, ce qui serait un petit peu décevant, ou alors nous annoncer, je sais pas, la veille, que Flip Gordon a un match contre. Will Ospreay, ça me semble probable. Pour un match, ouais. Pour un match athlétique. J'ai déjà vu un Will Ospreay Flip Gordon, c'est très très bon. Hein. Ouais, voilà, bah, on espère des surprises hein, dans le show. CM Punk non, <j'ai... rire> Ouais, non, CM Punk. Il peut rentrer chez sa maman, CM Punk. C'est bon. Alors, il vient. En vrai, avec Code Cabana. Mais, et puis il se fera battre parce qu'il n'est pas si fort que ça, on l'a vu. On l'a vu dans la cage. Voilà ce qu'on peut attendre comme surprise. Amel Daniels, ben ouais, on va mettre la piécette sur Amel pour la rigolade. Je pense que Daniel, il sort il n'y a pas si longtemps d'un round de champion à la Ring of Honor. Il est vraiment plutôt en fin de carrière. Je pense qu'il peut faire le job pour se laisser battre par Stephen Amell. En plus, dans Being the Elite, il s'est créé un personnage quand même qui est un petit peu au bout du rouleau physiquement. Là. Dans le dernier épisode, il avait du mal à faire son entraînement oui. physique. Là, À la Rocky. Donc, je pense qu'il va avoir un petit feel-good moment avec la victoire de Stephen Amell. C'est un très bon heel, hein, Christopher Daniels. Donc, ça peut, voilà, on peut se terminer sur une victoire de l'acteur. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que Amel, j'ai rien contre. Ça peut être sympa, mais l'embêtant, c'est que on voit bien que il parle tout le temps de, enfin dans Being the Elite, il parle tout le temps du fait que il a un emploi du temps chargé, que en clair, on voit que c'est quand même une, c'est un peu une distraction pour lui et qu'il y a pas, va pas y avoir de suite quoi. C'est pas comme si il commençait une carrière, il annonçait qu'il commençait vraiment sa carrière dans le catch. Donc c'est ça. Ouais, mais ça apporte un éclairage un peu mainstream le plus possible ah oui. quoi. Non mais ça au niveau de l'image, ça marche vachement bien et puis quand on pense les trois, pour moi les trois trucs qui ramènent le plus de monde dans ce show, c'est Mysterio, Omega et Amel. Ouais, après ils ont été sold out en 30 minutes, ils n'avaient pas encore d'annoncé de. Oui, de non, budget. Mais je parle pour juste la diffusion en fait. Pour le... Ouais, la diffusion, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est 40 balles quand même le pay-per-view. Ouais. C'est quand même rush, on est sur les prix des PPV, des pay-per-view standards de l'époque. Hein. Ouais. Moi je regarderai. Voilà. Probablement que je regarderai en replay plutôt qu'en live, même si c'est pas très tard, hein, c'est à 1h du matin. Mais New Japan World, comme on vous l'a dit au début, l'aura en replay gratos. Donc voilà, si vous attendez le lendemain matin, vous l'avez sur. J'imagine que tous les gens qui regardent ce pré-show sont abonnés à New Japan World. Bah on espère. Voilà, puis bon, Stephen Amell, c'est aussi une tradition dans le catch américain d'avoir des stars de la télé quand on fait un gros événement. Enfin, le premier WrestleMania, le main event, il y avait Mr. T dedans aux côtés de Hulk Hogan. C'est aussi ce qui fait partie du catch américain, hein, les participations des stars comme ça de la télé. Ils ont quand même construit le truc qu'on est assez éloigné des petits shows indépendants. Ça ressemble quand même plus à une carte ambitieuse comme pouvait le faire Vince McMahon au début des années 80 ou les Starcade, quand c'était le père de Cody Rhodes qui était aux commandes. Hein. Après, ils en ont besoin pour... Bon, après, tu me diras s'ils ont fait... Ils ont fait carton plein au niveau des ventes, malgré le fait qu'il n'y ait pas toute la carte de terminer. Mais s'ils veulent continuer ça, s'ils veulent le faire tous les ans, il faut montrer dès le premier show que ce n'est pas juste un fan club indé avec les noms qui ont leurs fans hardcore, mais qui ramènent grand max 2000 personnes. Ou 3000 personnes, là ils sont à 10 000 personnes. Le défi, ouais, ça va être de montrer que le show est assez bon pour mériter une suite, quoi. C'est un gros coup qui peut changer un petit peu la phase du catch aux États-Unis, du moins. Peut-être dans le monde, hein, parce qu'il y a quand même un aura international, hein, qui se dégage de ça. Faut voir combien ils vont vendre de pay-per-view, hein, tout simplement. Maintenant, c'est sûr qu'avec le tarif qu'ils ont mis, ça c'est pas sûr qu'on ait un gros succès, mais ouais. À voir. Moi, j'aurais plus ce que j'aurais fait, mais bon, c'est risqué. Mais j'aurais plus mis ça en diffusion avec donation sur Twitch, tu vois. Un truc du genre, je pense qu'ils auraient ramassé beaucoup de thunes avec des donations. Ouais. Et en même temps, ils auraient mis beaucoup plus d'yeux sur le produit. Parce que ça serait dans les trending sur Twitch, ça aurait un certain nombre de vues, les gens sont curieux, qu'est-ce que c'est que ça, ils vont tomber dessus, ils vont voir que voilà, c'est une grosse ambiance, etc. Mais, ouais. Après, je pense qu'ils passent par Fight TV aussi pour avoir le support technique et logistique de la Ring of Honor, ouais, qui ça. Est capable de sortir un gros pay-per-view. Si eux l'avaient fait sans passer par la Ring of Honor, il aurait fallu prendre une équipe technique indépendante qui n'est pas forcément rodée au show de catch. Mmh. Et, ça peut vite donner un fiasco visuel. Ouais, ouais. Voilà. Puis il faut voir, c'est pas après les différences de contrat entre Twitch et compagnie. Et puis s'ils voulaient peut-être des catcheurs de la Ring of Honor, il fallait peut-être passer aussi par le biais, sachant qu'à la base, c'était pas vraiment prévu non plus pour avoir une diffusion télé. Hein. On était sur un show live. Ouais. C'est tel qu'ils sont obligés de passer par là. Voilà, bon, on verra. Ça, c'est un gros challenge. Hein. C'est aussi le suspense du truc, voir quel est le succès que rencontrera le pay-per-view. Allez, on avance, ouais, puisque les matchs suivants sont assez énormes. L'ancien champion de la New Japan Pro Wrestling, Kazuchika Okada, affronte Marty Scurll. Donc, ça risque de donner un gros match. Marty Scurll, le vilain, hein, ancien champion aussi junior heavyweight de la New Japan. TV champion, je crois, à la Ring of Honor. Enfin, ancien champion TV. Alors ça, c'était très drôle, l'opposition, parce que Marty Scurll se fait rembarrer par tout le monde, parce qu'on le qualifie justement de cruiserweight et qu'il n'a aucune chance de battre le dieu Kazuchika Okada. Et Kazuchika Okada, qui, quand il le croise ou quand on l'interviewe pour savoir... ce qu'il pense de son adversaire, il est talentueux, mais il est petit, et ce sera sûrement son dernier match avant d'aller à 205 Live. Je ne sais pas si tu as vu la séquence où il se croise aussi dans les couloirs et où Okada lui fait avec les doigts, il lui fait 205. Ah bon ? Ah non, je l'ai pas vu, ça. Mais... une séquence sans parole où il se croise dans un couloir et Okada se fout de sa gueule comme ça. Avec les mains. J'ai bien aimé que Scurll fasse une promo sérieuse dans le dernier épisode, qui était vraiment. Alors, on est toujours, dans le. C'est pas si original que ça parce qu'on est toujours dans l'histoire de. On m'a toujours dit non dans ma vie, etc. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien. C'était vraiment bien joué parce que finalement l'enjeu du match, c'est est-ce que Scurll va arrêter ses pitreries et est-ce que ça va être un match genre serious business dès le début, quoi. Va pas y avoir ce passage qui est... Alors, j'ai pas vu tous les matchs de Marty Scurll de l'histoire, mais ce passage qui est un peu obligé dans les matchs de Marty Scurll, où ça commence toujours un petit peu par de la comédie, quoi. Ça commence toujours avec du claquement de doigts, avec de la gimmick, quoi. Là, il est dans une grosse opportunité, que ça soit du côté kayfabe ou pas kayfabe, hein, c'est une grosse opportunité pour lui d'affronter Okada. Je pense qu'il va perdre dans un très grand match. Voilà. Ouais, là on a du talent. Hein. Oui, il va vraiment être à deux doigts de gagner plusieurs fois. Ouais, c'est un excellent catcheur, Willos. Marty Scurll. Marty Scurll, et puis Okada, hein, on le présente plus, hein, c'est peut-être le meilleur catcheur du monde actuellement. Effectivement, il y aura quand même de la rigolade, je pense, parce que Okada, il est aussi dans une veine un peu déglingo là en ce moment. Tu penses qu'il va la jouer chill Okada, les ballons? Ouais. C'est obligé qu'ils partent. De toute façon, ils viennent aux États-Unis, déjà ils viennent en vacances. Quand bien même c'est all-in, quand bien même c'est le gros truc, les Japonais quand même, quand ils viennent aux États-Unis, ils se cassent pas trop la nénette. Maintenant, je pense qu'ils vont élever le jeu un peu quand même pour l'histoire. Ce sera pas le Okada champion de la IWGP qui va venir avec tout l'attirail et tout. Hein. Je pense qu'il va venir avec les ballons et on va se marrer. Maintenant, j'attends quand même un gros affrontement très stiff. Ce serait marrant justement que ça commence comme ça, que Okada soit celui qui prend pas le truc au sérieux. Enfin, ce qui me semble le storytelling le plus évident à faire, c'est Okada qui prend pas le truc au sérieux et Scurll qui est ultra agressif dès le début. Ça serait... Deux champions du storytelling là, hein. Donc ça peut donner un match quand même énorme, et puis c'est un match qu'on verra pas de sitôt parce que Marty Scurll, effectivement, bon, ils en font une blague, mais ça reste un junior heavyweight, un cruiserweight, ouais. Et au Japon, y a pas trop, ça se mélange pas trop. J'ai l'impression que à New Japan, il est pas super installé en fait. Scurll, il vient pour des tag teams, mais je veux dire en solo, je me souviens pas d'un match solo que j'ai vu à la New Japan de Scurll pour l'instant. Ah si, il a quand même. Il y en a eu quelques-uns. Voilà, une place. Il a été champion junior heavyweight quand même, ouais, pendant junior heavyweight. C'est vrai que sur les gros événements, bon, on l'a plutôt trouvé dans des multitags, mais. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que je regarde. Ouais, je regarde pas trop les weekly, et c'est plutôt les gros événements. Il est quand même très très apprécié du public japonais. Puis il est intégré au Bullet Club et à Being the Elite. Il a vraiment bien bien géré sa carrière et je pense qu'ils vont assurer le spectacle les deux. J'attends quand même pas mal de matchs là. Hein. Il y a ce côté, donc du coup, comme tu disais, junior heavyweight, qui fait que tu peux te dire aussi que même s'il a une certaine place, à côté, il y a Hangman Page qui a commencé après lui et qui est plus mis en valeur que lui en ce moment. Parce que c'était le G1 Climax qui ne participait pas au Spray, mais... Spray, putain, j'ai arrivé, hein, ouais. Scurll, ils sont pas dans la même division, donc ils ont quand même un traitement à peu près comparable, parce que quand ils feront un tournoi junior heavyweight, il brillera de la même manière que Hangman Scurll. C'est une des grosses révélations de ces dernières années, hein, Marty Scurll. Hein. Il est en dehors de la WWE, gérer une carrière comme il le fait là, c'est assez exceptionnel, hein, quand même. Du coup, il mérite ce gros spot face à Okada. Et comme je le dis, je pense que ça va être un des gros matchs de la soirée, ça. Et tu mises du coup sur... Je mise comme d'habitude sur Okada, tout mon argent. Ça va être une belle performance de Scurll, mais personne ne bat Okada. Hormis Omega. Alors, à l'année, puis peut-être Tanahashi. Ah bah tiens, en même temps. il y en a que deux qui ont le droit. Bon, alors, la suite, justement. La suite, Miam, Miam. Kenny Omega, il arrive, il est là. Alors, il sort du G1 Climax. Il ne voulait pas d'un match solo. Mais quand même, il va devoir affronter la star du Mexique, Pentagon Junior ou Pentagon Dark ou Pentagon Zero Fear, Pentagon Zero Miero. La star du Mexique, hein, comme je viens de le dire, catcheur de deuxième ou troisième génération, je ne sais pas, qui a été ancien champion Impact Wrestling, la star de la Lucha Underground, qu'on retrouve aussi à la AAA. Et à Impact, donc, du coup, en ce moment. Voilà, Impact en ce moment. Énorme catcheur, très populaire, qui fait des gros matchs jusqu'au boutiste, hein, j'ai envie de dire, où ça va souvent assez bien. Que ce soit soit en hardcore, soit même en match classique. Gros challenge là pour Kenny Omega, parce que c'est voilà, Pentagon, c'est peut-être un petit peu le Kenny Omega mexicain en termes de popularité. Il est très très proche du public, il fonctionne extrêmement bien. Il a un gimmick, alors je sais pas si vous avez déjà vu, voilà, vous avez l'image, hein, c'est il est masqué, maquillé, tête de mort, c'est dark. Mais c'est un sacré showman. Ça risque d'être un gros match aussi, hein, parce que on a deux mecs qui sont au top et que quand ils viennent, bah, c'est eux les stars, quoi. Donc il y a pas grand monde qui peut leur voler le show quand on est au. Et c'est deux forces novatrices du catch des dernières années. Pentagon, vraiment. Je m'y suis intéressé que vraiment assez tard là, ces derniers mois, mais vraiment des moments, il y a des trucs qu'il fait dans le ring, quoi. Il a du mal à comprendre, du mal à comprendre comment il arrive à faire ça. Il y a des transitions qu'il fait, des rotations où vraiment il a une agilité qui est pour moi, ça a peut-être été un peu comment. Trop de dire ça, mais pour moi il a une agilité qui dépasse le Rey Mysterio de la grande époque, quoi. Il a vraiment une inventivité dans le ring, et c'est pas et ce qui est génial, c'est que je trouve qu'il a une inventivité qui est pas forcément, c'est démonstratif vu que c'est quand même du catch mexicain, mais il y a aussi un impact, il y a aussi une violence qui est extraordinaire. Donc vraiment, j'en attends énormément. Je pense que ça sera le match de la soirée. Ouais, c'est une grosse affiche, hein, qui bien compte que je ne m'attendais pas à voir de si tôt, puisqu'il a quand même pas été performé à la New Japan encore, Pentagon, donc il y avait peu de chances qu'il s'affronte avec Omega. C'est l'occasion là pour le coup, et effectivement c'est deux gros stars du circuit indé qui sont du circuit indé hors WWE. Qui sont au top de leur top of the mountain là, hein, donc il y a un gros enjeu, hein, au niveau du pay-per-view et du show, hein, puisque encore on va encore le dire, mais c'est le premier show indépendant qui fait plus de 10 000 personnes. Donc là, je pense que c'est les deux meilleurs gars pour faire un match exceptionnel qui restera dans l'histoire. Et je mise sur la surprise. Tu mises sur Pentagon, toi ? Je mise sur Pentagon. Parce que je pense que personne ne va miser sur Pentagon et qu'il faut une surprise dans ce pay-per-view. Il faut un truc qui soit choquant. Comme voilà, il risque rien, Omega, sa ceinture n'est pas en jeu, forcément. C'est un match de gala, un petit peu. Je pense que Omega, il peut totalement se permettre une défaite, et une victoire de Pentagon sur Omega, c'est le truc pour le propulser encore plus haut. Je pense qu'il accepterait, je pense qu'Omega accepterait ça, et puis ça construirait peut-être une histoire qui sait continuer, je ne sais pas où plus tard, mais. J'ai l'espoir que ça soit ça la surprise. Peut-être que ça sera une autre. Je suis persuadé qu'il y en aura une dans les résultats. Mais voilà, je pense que ça serait des grosses surprises. Donc Ouais, je vois mal quand même la New Japan autoriser son champion à perdre, parce que c'est l'IWGP Champion, hein, c'est le champion poids lourd de Ouais. la Ah, New Japan. y a cette politique-là, ouais, aussi. Il y a peu de chances qu'il l'autorise à perdre face à un Pentagone. Non, moi je vais plutôt parier sur Kenny Omega quand même. Mais ce que je parie, c'est que ce sera sûrement un gros, gros, gros match. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés parce que, alors ces derniers temps, ces deux-là, hein, que ce soit Pentagone ou Kenny Omega, quand ils font des matchs, ils prennent tous les risques, hein. Parfois un peu trop. Ça va peut-être être aussi une spécificité de ce pay-per-view, c'est qu'on va peut-être avoir des mecs qui vont être un peu suicidaires, hein, dans l'histoire. Alors, tu veux dire que du coup, tous les mecs de la New Japan vont gagner. Normalement. Les mecs de la Anne, ouais, Sauf grosso. Rocky Romero. Sauf Rocky Romero, ouais. Parce que tout le monde s'en fout. Après, bah non, puisque Hangman Page, il est New Japan aussi. En tout cas, pour moi, le champion IWGP ne perdra pas C'est pas et je vois mal Okada perdre quand même. Okada, il y a peut-être plus de chance, mais Omega, ça va être difficile hein, quand même. OK. Par contre, ben voilà, hein, donc ça vaut le prix du pay-per-view, hein, je pense, hein, ce match-là. Avançons dans la carte. À Bon, qu'on après, a. on a le match contre l'invité mystère de Jay Lethal. Donc ça, on sait pas, mais en tout cas, Jay Lethal va gagner, hein. Ouais, je pense Donc voilà. que titre. Ouais, comme tu disais, hein, on va parler sur Colt Cabana. Ensuite, c'est le championnat de la NWA qui est en jeu. Le champion Nick Aldis, vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Magnus à Impact Wrestling TNA, et bah, affronte Cody Rhodes. Alors, c'est Cody American Nightmare. Cody Rhodes, donc, que vous connaissiez hein, à la WWE. Il était sous les traits de Stardust à une époque, mais aussi sous le nom de Cody Rhodes, hein, tout simplement. Alors, la NWA, qu'est-ce que c'est? C'est la National Wrestling Alliance, c'est la quelque sorte. Alors, on peut pas, je sais pas si on peut qualifier ça de fédération, mais en tout cas, c'est l'association de catch américaine la plus ancienne des États-Unis. C'est même plus vieux que la WWE. C'est la fédération, on va dire fédération qui est à l'origine du moins le championnat, qui est à l'origine à la fois des championnats de feu, la WCW. De Impact Wrestling TNA et même de la ICW. Tout ça, c'était à la base, ils défendaient le titre NWA et puis ils l'ont transformé chacun en leur propre titre. C'est quelque chose de très important dans l'histoire du catch américain. Ça a été racheté l'année dernière, en 2017, par Billy Corgan, La rockstar Billy Corgan, qui était le leader du groupe Smashing Pumpkins, ce gros groupe de rock des années 90. Ne refais pas toute l'histoire non plus. Ah, il faut bien recaler, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde non plus qui connaît Nick Aldis et qui sait peut-être ce que c'est la NWA. Oui, non, parce que là-dessus, oui. Mais Le champion actuel, c'est Nick Aldis. Alors, vous avez un show qui existe sur YouTube. De la NWA, c'est 10 Pounds of Gold, ça s'appelle, qui suit un peu les pérégrinations de Nick Aldis. Ouais, et pour suivre la storyline de cette rivalité, il faut vraiment regarder au moins les trois derniers épisodes qu'ils ont sortis spécifiquement sur Cody Rhodes et Nick Aldis. Je sais pas s'ils sortent des épisodes sur autre chose en ce moment, mais en tout cas, c'est ces épisodes. Et il y a une promo à la Ring of Honor entre Rhodes et Aldis expliquant un peu l'enjeu du match. Et Rhodes, bah, je sais pas si ouais, tu veux le raconter. Bah, je sais pas. Rhodes en fait, mais Rhodes demande donc du coup de base en fait. Rhodes était encore champion, je crois, au moment où il a défié Nick Aldis. Il était encore champion ROH. Et donc du coup, le truc c'est que entre-temps, Rhodes a perdu sa ceinture et donc Aldis lui a dit, alors c'est bien joli cette proposition de match, mais maintenant j'ai tout à y perdre et toi t'as tout à y gagner. Et là, Rhodes lui dit non, non, mais y a, comment, c'est plus important que ça. La NWA, c'est là où, si je me cours pas, donc du coup, Dusty Rhodes a fait aussi ses débuts. Donc du coup, y a une histoire. Y a une histoire derrière ça, etc. Et pour te prouver à quel point c'est important, je vais mettre ça en jeu. Et en fait, il retire sa bague, qui est, je pense, la bague de Hall of Famer de Rhodes, ou du moins une bague qui symbolisait... Ah bon, c'est la bague qu'il a fait quand il est devenu champion de la Ring of Honor. C'est le Ring of Honor. Ah non, c'est juste le Ring of Honor. Je croyais que c'était un truc qui était à son père. Enfin bref, donc du coup, il lui donne cette bague-là et il dit « je mets ça en jeu ». Et donc voilà, il y a toute cette histoire, mais la promo entre les deux est vraiment excellente, quoi. À regarder. Ouais. Alors c'est pas toujours super passionnant, le Ten Pounds of Gold. Il y a un côté un peu déprimant dans la réalisation au niveau de la musique ou des choses comme ça parfois, qui est un peu lourd. Mais sur les derniers épisodes, Cody Rhodes face à Aldis, c'est plutôt sympa. Encore une fois, c'est une autre manière de faire des weekly dans le catch. Maintenant, ça fonctionne largement moins bien que les Young Bucks et compagnie. Hein. Le truc Ten Pounds of Gold, hein, ils font des matchs dans des supermarchés, des trucs comme ça. Hein. C'est pas, on est vraiment dans les indies là pour le coup. On va voir ce que ça va donner ce soir. Ils ont vraiment fait une belle construction. Ils ont ressorti un peu tout le caractère historique de la ceinture. Faut savoir quand même que le titre NWA, c'était l'équivalent du titre WWE à une époque. Donc c'est effectivement, ça a quand même une grosse importance dans l'histoire du catch. J'espère une victoire de Cody Rhodes pour donner justement encore de l'éclat à cette ceinture. Nick Aldis, c'est un bon champion, maintenant il a ses limites. Ils ont moyen de jouer un gros coup avec Cody Rhodes. Maintenant, il faut voir comment que ça se passe au niveau de la négociation des contrats, etc. Avoir Cody Rhodes avec ta ceinture NWA pendant un temps, ouais, ça peut redonner vraiment du coup. Elle est pas très souvent défendue en plus, donc c'est pas comme si c'était un gros engagement, je pense. Enfin, ça demande pas non plus un emploi du temps. La NWA, ils font quoi? Ils font un show tous les... Alors, en fait, ils font pas un show. C'est la ceinture, elle est défendue dans différentes fédérations. La House of Hardcore, à la Wrestling from Hollywood. C'est vraiment tout dans le circuit indépendant qu'elle est défendue par ce champion actuel. Il faut voir si Cody Rhodes peut se permettre de faire des matchs comme ça un peu partout. Ou est-ce qu'il va mettre carrément lui des billes aussi dans la NWA? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu derrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être un gros coup s'ils veulent vraiment... mettre l'emphase, et puis parce que il y a quand même de l'ambition hein, derrière le truc de Billy Corgan, hein. C'est un mec qui a mis du pognon, il a essayé de racheter Impact Wrestling à une époque, hein. Il a été complètement il a été escroqué par Dixie Carter et compagnie à l'époque. Vous avez le détail si vous allez regarder les Talking Catch qui sont archivés hein, sur notre chaîne YouTube. Donc il y a quand même une grosse ambition derrière de Billy Corgan de vraiment être quelque chose en opposition à la WWE, une alternative vraiment crédible. Ils n'ont pas encore réussi à atteindre le niveau de Being the Elite. Une association avec Cody Rhodes, ça pourrait être une grosse avancée pour ça. Je vais parier sur une victoire de Cody Rhodes. Ce que je voulais dire, c'est que même s'ils n'ont pas leur propre show, ça reste quand même quelque chose d'assez flexible. Ouais. Pour son emploi du temps, quoi. Pour la défense du titre, donc c'est techniquement possible, quoi. C'est pas un truc qui carrément lui demanderait d'être, je sais pas moi, aux États-Unis tout le temps ou un truc du genre. Il est même défendu sur internationalement, quoi, le titre. Moi, je mise aussi sur une victoire de Rhodes, tout simplement à cause de la bague, parce que je vois mal Je vois mal l'intérêt si Aldis repart avec une bague de Oh. Ring of Honor. Et puis pour la symbolique, pour la symbolique par rapport à son père, etc. Je pense que ce serait une belle chose. Et puis peut-être qu'il va un peu comme il l'avait fait contre Omega. Il y a quelques temps, bah justement mince, c'était quoi? C'était le G1 Climax USA. Il va peut-être commencer le match en heel et finalement finir le match de façon plus un contre un, réglo, et bah, ça va se terminer sur un serrage de main. Ouais. Donc. C'est plutôt il hein, dans son truc donc Bah les deux, je sais pas il alors. va jouer face à son public. C'est pas un mec extrêmement populaire Aldis au niveau du public Bon, en tout cas, il a quand même joué la repentance après sa défaite ça les gars peut être quoi. un bon match de storytelling, à défaut d'être un grand match technique, ça peut être un match sympa au niveau de l'histoire. Puis un autre bon point dans ce match, c'est qu'il y aura sûrement Brandi Rhodes aux abords du ring. Allez, bah ça c'est la plus belle femme du monde. Voilà. Soyons raisonnables. D'accord, ok, c'est Kairi Sane. Donc on va passer à Mysterio. Young Bucks. Mais je sais, tu as des goûts, tu préfères les Australiennes. Je préfère les Mais Australiennes. je sais plus laquelle des Iconics dont tu me Je parlais préfère. l'autre coup. Affaire Brandy Rhodes. Ré Mysterio, voilà. Oui, over the budget. Ré Mysterio, Bandido et Phoenix, les Mexicains, contre les Young Bucks et Kota Ibushi, le super-héros Kota Ibushi, le surhomme, qui a fait un incroyable G1 Climax. Il est jusqu'en finale, hein, si je dis pas de conneries, pour perdre contre Hiroshi Tanahashi. Il a fait des Oui. matchs. Il y a un match contre. Alors, je vous l'ai déjà, je vous rabasse les oreilles avec ce truc-là, mais il faut voir son match contre Ishii. Tomohiro Ishii. C'était un match absolument fabuleux, d'une extrême violence. Donc, Kota Ibushi aux côtés des Young Bucks, pour la meilleure équipe du monde. Donc affronte les Mexicains. Donc la légende Rey Mysterio qu'on présente plus. Bandido qui est un catcheur qui est en train de monter, qui commence à avoir sa petite renommée sur le circuit américain. C'est un peu la surprise du truc, hein, Bandido. Mais ma foi, je pense qu'il doit avoir. J'ai pas vu beaucoup de matchs avec lui. Je l'ai vu ce week-end à la AAA dans le Triple Mania, qui est un show absolument taré. Si vous avez l'occasion de le regarder, c'est gratos sur Twitch. Si vous avez du temps à perdre, regardez ça, ils sont complètement frappadingues, les Mexicains, c'est d'une violence le show. C'est à la fois familial et à la fois extrêmement gore et violent. Je vous confie, on voit pas souvent ça. Donc il était là, Bandido, bon, il m'a pas percuté plus que ça. Et il y a Phoenix aussi, donc le frère de Pentagon Junior, la nouvelle star du Mexique. On a vu aussi à la Lucha Libre, on l'a vu à Impact. Et c'est le champion actuel de la Triple A, justement. Mecha Champion, il a gagné le titre ce week-end après avoir fait un joli suicide dive où il a explosé la patronne de la Triple A. Il a atterri dans le public, dans la patronne qui était au premier rang. Apparemment, elle a des côtes cassées. C'était absolument incroyable. Un des nombreux moments complètement fous de ce show. Triple Mania, allez voir sur Twitch, c'est gratos, hein, je vous le rappelle. Donc j'attends beaucoup de folie de ce match, puisqu'on n'a que des mecs qui sont complètement tarés. J'espère qu'on va pas, voilà, qu'on va pas avoir un simple match de gala avec un Rey Mysterio feignant. Enfin, même Non. si voilà, Rey Mysterio quand même, c'est toujours assez spectaculaire. De toute façon, dans un 3 contre 3, donc franchement, ça va pas lui demander un effort dingue de faire un hot tag, d'être à fond pendant 3 minutes et puis de repartir sur le bord du ring. Je mise sur une victoire de Ibushi, moi. Enfin, de Ibushi sur. Probablement sur Pentagon Phoenix. C'est ça. Ouais, moi je vois plus les Mexicains gagner, tu vois. Ah bon? Sur ce... Ouais. Je pense que ça dérangerait pas les Young Bucks se perdre le match. Bonjour à Maxence qui arrive. Un peu tard, on arrive au bout du show, mais C'est pas pour le grave, il y a le bénévole, replay. nous donner ton avis. Il y a le replay, évidemment. Et ben, bien où les Young Bucks et le japonais Kunaibushi, alors que je suis attaqué par une mouche. Ouais, voilà, moi je vois plus. Après, voilà, Phoenix aussi, c'est le champion de la Triple A maintenant. Est-ce qu'ils vont le laisser? Bon, après, les Mexicains, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi. Ils viennent se réveiller. Bah, bravo, Maxence. J'espère que tu travailles de nuit, hein. Sinon, c'est pas bien. Donc le match, Greg. Moi, je te dis, Donc du les coup les Mexicains, Mexicains, voilà, d'accord. de la dans tous les sens, et qu'on n'a pas. Voilà, Team Mexique pour Maxence, tu as bien raison. Ok. Mais ça va être énorme aussi parce que les Young Bucks, ils sont fous. Mexique-America. Kota Bushi, ils sont fous. Phoenix, il est taré. Bandido, il a l'air trop bien dans sa tête. Et puis Rey Mysterio, c'est un alcoolo, il viendra sûrement bourré. C'est un Voilà. alcoolo. Ça va être super. Rey Mysterio, il est connu pour s'enfiler une bouteille de whisky avant d'aller catcher. Hein. Faut pas Ouais, mais croire que la c'est dernière l'ami fois. que. Les dernières fois où on l'a vu, il était plutôt en forme dans le ring. Ah ben ça l'empêche pas, c'est un rythme de vie. Non, ben. J'avoue que enfin, c'est kiff-kiff, quoi. Sur ce match, je sais vraiment pas qui va gagner. Ça me semble un peu kiff-kiff. Et puis, y a pas vraiment de. Je pense pas qu'il y a vraiment une équipe favorite parce que. Mysterio, oui, il peut gagner, mais est-ce que c'est vraiment valorisant, sachant qu'ils sont en 3 contre 3? Oui, enfin, de toute façon, tout ça, c'est ouais, c'est un match de gala. C'est un peu étrange. Enfin, si, parce qu'il y a Mysterio, donc ok, Mysterio, main event, etc. Mais c'est un peu étrange de mettre un 3 contre 3 en fin de show. Mais bon, je sais pas Ouais, si... Parce qu'il ouais. y a Le pas trop main d'enjeux, en event, fait. ouais. Le main event de WrestleMania, le premier, c'était aussi un 2 contre 2. C'était pour une ceinture? Non, il y avait Hulk Hogan et Mr. T contre D'accord. Roddy Piper et Paul Orndorff, je crois. C'était juste pour le Star Power. Il n'y avait pas de show en jeu. Et je crois que même le Wrestle Kingdom, le premier show, c'était aussi un tag team. Le main event. C'est aussi voilà, une espèce de truc classique du catch de proposer des tag teams en main event. Même si nous, on a du mal à le comprendre parce qu'on préférait voir effectivement un match de. Mais il n'y a pas de championnat finalement ici à défendre, hein, puisqu'on n'est pas sur une fédération, on est sur un simple show de gala au final. Ouais, enfin si, il y a quand même la défense du Ring of Honor Championship et la défense du NWA, quoi. Ouais, voilà. Mais Mais ouais, non, mais bon, s'ils veulent faire ça comme ça, c'est pas si grave. Après, je pense que, enfin moi j'aurais mis Omega Pentagon Junior en main event parce que je pense que c'est la rencontre, je pense, qui génère le plus de hype dans toute la carte, je pense. ouais. C'est quand même le comment la plus grosse attraction, le truc le plus unique dans tout ce qu'on va voir. Mais Ils vont ouais. peut-être faire un truc malade hein, aussi. Hein. Attention, hein, c'est quand même. Si tu prends les Young Bucks, rien que les Young Bucks et Kota Ibushi ensemble, eux-mêmes qui se bouclent le match, ça peut donner un truc de fou. Phoenix, comme je dis, c'est un taré. Ils peuvent aller très loin dans le délire. Hein. Ben voilà, on a terminé la Voilà, carte. on a fait le tour. Qu'est-ce que je. Ah ouais, je voulais juste rajouter que dans le dernier Being the Elite, il y a Rey Mysterio qui faisait sa promo donc standard où il disait tiens, le 619 vient à All-In. Ouais. Après, il faisait la caméra et il avait une petite séquence avec. Comment il s'appelle? Théo Rossi, l'acteur de Sons of Anarchy, que vous avez peut-être vu dans Cage aussi. Et puis. Un peu de Star Power aussi, enfin Star Power, c'est un acteur de télé. Hein. Bah où il disait, voilà, toi, tu es une légende et tu vas catcher pour les petits gars, là, les Young Bucks, je sais pas quoi. C'était assez marrant. Maxence qui nous demande Omega Pentagon, c'est un match simple? Oui, oui, c'est toujours annoncé comme un singles match classique. Après, ils vont bien exploser une table. Il y aura bien un moonsault. Ouais, après, si c'est. Une table dans le public, hein, ça me. Ça peut très bien être arbitré façon New Japan où on est très léger sur les règles. Genre, il n'y a pas de disqualification si ça commence à attaquer avec, je sais pas moi, Ah, des clous. des objets. Non, pas des clous. Pas des clous, s'il vous plaît. Les clous, c'est pour Impact. Pour. Comment? Ah, j'ai plus son nom. Sami Callihan. Sami Callihan contre Pentagon. Qui n'est pas là Combat de d'ailleurs. clous. Sami Callihan. Oh, il arrivera peut-être dans la Battle Ouais. Royale. Après Callihan, je sais pas s'il a. Des néons. Ah, Maxence, t'as regardé Triple A, toi, ce week-end. Ah, les néons, j'ai pas envie de voir ça, moi, j'ai pas envie de voir un match avec des néons. Non, bah voilà, bah, on a terminé. Voilà, on a fait le tour du show, donc bah, qu'est-ce qui reste à faire? Faut qu'on fasse l'autopromo, c'est Tu veux que je la ça? fasse? Oh, vas-y, fais-la, parce que ça me Ketchup! saoule. C'est toutes les semaines, c'est avec de la bonne humeur, sauf si Ringside présente, bien sûr. Non, Ouais. on a donc du coup notre show Raw et SmackDown toutes les semaines, on vous couvre tous les pay-per-view, comme vous le voyez là maintenant, on fait des shows spéciaux pour la New Japan dès qu'on a le temps, enfin la New Japan ou d'autres fédérations indées, là en l'occurrence, bon, c'est un peu tout en même temps, là, All-in. Ouais. Et quoi d'autre? Eh ben, n'hésitez pas aussi à regarder nos dernières vidéos sur les 10 moments qui ont ruiné Bayley. Hein, si vous avez envie de voir un petit format un peu différent, là, c'est une nouvelle série qu'on a débutée. Quoi d'autre? Je vais sûrement streamer donc du coup du Fire Pro Wrestling en fin de semaine. Donc restez à l'écoute sur le Twitter @SketchupCDC. Je vais essayer de faire un petit truc là-dessus. Est-ce qu'il y aura une review de Triple A c'est quoi Triple Mania? Ah, Ouais, ouais. Maxence, j'en doute fortement parce que moi, je suis pas très motivé pour regarder 5 heures de show. Je sais même pas si Ringside a regardé vraiment les 5 heures en entier. Oui, moi j'ai vu en Si, entier. c'est tout vu en entier, d'accord. Voilà, c'est-à-dire ce truc, si on fait une review, ce sera moi tout seul, je pense. Donc, Ouais, voilà, ce serait un petit journal. parce que c'est. Non, mais je suis Après. vraiment, j'ai le temps, j'étais un peu motivé en début de semaine, mais là un peu moins, je sais pas si j'aurais. Ça dépend des humeurs de Ringside, voilà, C'est c'est ça, tout. j'aurais dû le faire direct après, parce que c'est quand même, effectivement, c'est un show qui mériterait d'avoir une review, parce que c'était la folie pure, hein, le truc. Hein. Ouais. Voilà. Velvety nous dit bras brillantes. Mais oui! Pour Velvetine, oui, tout à fait. Vous pouvez nous retrouver donc du coup sur Twitter @SketchupCDC, sur le YouTube.com/SketchupCDC si vous êtes en train d'écouter ce podcast, si on l'upload en audio bien entendu. Et donc Facebook.com/SketchupCDC. Si vous êtes super sympa et vous voulez nous soutenir, il y a un lien PayPal juste en dessous. Voilà, vous pouvez mettre même 50 centimes ou 1 euro, ça nous aide. Ne serait-ce que ça nous aidera pour améliorer notre matériel et donner un micro de qualité à Raphaël, qui est notre objectif premier Depuis 2 ans. depuis 2 ans. Quoi d'autre? Donc ouais, la qualité vidéo aujourd'hui n'était pas forcément géniale, mais c'est parce qu'on est passé par Google Hangout, parce que Skype nous embête en ce moment, etc. On va essayer de résoudre ça. Et n'oubliez pas donc du coup de liker cette vidéo et de mettre un commentaire pour vos pronos sur All-In. Comme ça, on comparera tout ça quand on fera la review de All-In. Et puis, c'est à peu près tout. Ah si, attends, j'ai un dernier truc, Ring. La surprise, incroyable. Je viens juste d'y repenser et je vais l'intégrer tout de suite. C'est la surprise de fin de show. Attends, si je retrouve le fichier, c'est incroyable. 1, 2, 3, bam! Le sondage qui était sur le Twitter. Allez-vous regarder All-In? J'avais oublié ça. Allez-vous regarder All-In? Donc, du coup, c'était le sondage que j'ai posté il y a, je sais pas, avant-hier ou un truc comme ça. Eh bien, c'est égalité de partout. 38% oui en direct, 38% oui en replay, 24% non, je suis all out. Oh. Donc voilà, tout est mi-fig, mi-raisin. Incroyable. Non, mais c'est tout. Donc, à toi le micro. À moi le micro. Bah ouais, écoute, je te remercie d'être venu. Merci pour la réalisation. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Et puis, ma foi, je pense qu'on va se dire au revoir là-dessus. Salut. Ça te va. Les amis, tout de suite. N'oubliez pas, never give up, never say die.